بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الحديث عن التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Donc, les cours continuent encore autour du monothéisme, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فمن أنواع العبادات المحبة. والمحبة لها أقسام، فهي أربعة أقسام: محبة شرك، وهي حب غير الله كحب الله أو أشد، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، كذلك حب المعصية، وهذا الحب هو حب الحرام وحب البدع وحب المعاصي وحب أصحاب البدع والأهواء والمعاصي. قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كذلك من أنواع المحبة المحبة الطبيعية، وهي حب الأولاد وحب الأهل وحب المال وغير ذلك من المباحات، لكن ينبغي أن لا تشغل عن طاعة الله عز وجل وتدفع إلى ترك بعض الواجبات فتصبح محبة معصية، وإذا طغت على قلب الإنسان وحياته وأحبى حب التعظيم والتقديس كحب الله أو أشد تحولت إلى محبة شركية. والمحبة الرابعة المطلوبة والمرغب فيها والتي يجب أن نكون عليها هي محبة العبادة، وهي حب الله وحب رسول الله وحب ما يحب الله ورسوله وبغض ما يبغض الله ورسوله. يقول عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذه هي أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان أن تحب الله وتحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله عز وجل. أن الله عز وجل nous sommes toujours dans l'étude du monothéisme, il fait partie du qui est le fait de réserver l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie des actes d'adoration, c'est le fait d'aimer. L'amour est une forme d'adoration. Et l'amour, il est partagé en quatre. Il y a un amour associationnisme, qui est le fait d'aimer autre qu'Allah, Azza wa Jal, d'un amour, vénération et adoration. Ou d'aimer quelqu'un d'autre plus qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'un amour qui n'est dû qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, il est des gens qui prennent des alliés en dehors d'Allah, des équivalents à Allah subhanahu wa ta'ala, ils les aiment plus que l'amour qui est dû à Allah azza wa jal, et plus que l'amour qu'ils réservent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre amour qui est l'amour qui est un amour désobéissance, qui est le fait, l'amour désobéissance, c'est le fait d'aimer le haram, d'aimer les gens du haram, d'aimer l'innovation, d'aimer les gens de l'innovation, d'aimer la désobéissance et les gens de la désobéissance. Il est dit dans le verset 10, c'est vos parents, vos enfants, vos frères, vos femmes, vos tribus, vos proches, etc. et la fortune que vous avez amassez et le commerce que vous faites et que vous avez peur pour ce commerce et que vous avez des maisons et des demeures que vous agréez, tout cela est mieux pour vous qu'Allah et le combat sur le sentier de l'Allah est mieux pour vous qu'Allah et son messager alayhi salam et le combat sur le sentier de l'Allah. Attendez jusqu'à ce que l'ordre de l'Allah arrive. Allah ne guide pas les gens pervers. Et il y a un autre amour qui est un amour naturel, qui est le fait d'aimer ses parents, d'aimer sa femme, d'aimer sa fortune, hein, d'aimer des choses. Hein. Mais cet amour qu'on donne à des choses qui sont autorisées, il ne faut pas que nous soyons préoccupés par cet amour jusqu'à délaisser les devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces cas-là, cet amour va devenir un amour désobéissance. Il va changer. Au lieu d'être naturel et d'être autorisé, ben non, ça y est, il nous fait tomber dans la désobéissance. Mais s'il dépasse les limites et que notre amour vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos parents devient un amour adoration et vénération, là ça change, ça va tomber dans l'associationnisme. Hein? Fait d'aimer un chir, etc., d'un amour vénération et d'un amour adoration, ça change et ça devient un acte d'associationnisme. Et un amour appelé par les hommes de science, l'amour associationnisme. Hein? Et donc, et la quatrième forme d'amour, c'est celle, l'amour adoration. C'est le fait d'aimer Allah et de vénérer Allah, azzawajal, de l'aimer d'un amour vénération. Et ceci n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On aime Allah, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'aimer le messager d'Allah azza wa jal, et d'aimer ce que aime Allah, et ce qu'aime son messager, et détester en même temps ce que déteste Allah, et ce que déteste le messager alayhi salatu salam. Hein? Car ceux, il est dit dans le verset, ceux qui ont cru, ont leur plus fort amour, ils aiment plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'anse la plus solide dans la foi. Hein? Aimer Allah et détester ce que déteste Allah subhanahu wa ta'ala, et aimer en Allah et pour Allah, ça c'est là la plus grande anse et la plus importante anse et la plus solide anse dans les branches de la foi. Fa ja'a an ahl al-ilm adam jawaz mouwalat al-kuffar. وهذه الموالة ما هي موالاة المحبة والنصرة على المسلمين وأن يحب الإنسان أن ينصر أهل الكفر وأهل الشرك على المسلمين أما التعامل معهم بالعدل ومخالطتهم لدعوتهم للإسلام فهذا ليس من الموالاة المنهية عنها في الإسلام. Donc il est, nous a été rapporté par plus d'un homme de science, hein, qui n'est pas permis de s'allier aux mécréants ou mécréants, une alliance d'amour, c'est-à-dire qu'une alliance qui nous pousse à vouloir qu'ils triomphent sur les musulmans, à vouloir dans nos cœurs qu'ils soient eux qui ont le pouvoir sur les musulmans, et qu'ils soient plus forts que les musulmans. Mais le fait de commercer avec eux, d'avoir des rapports avec eux, avec justice, et le fait de se mélanger à eux pour les inviter à l'islam, etc., ceci ne fait pas partie de cette alliance qui est désavouée par les hommes de science, celle-là qui est interdite. Il y a une grande différence, hein, entre le fait d'aimer que les mécréants et que les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala aient le pouvoir sur les musulmans et la force, et ils soient plus forts que les musulmans, et qu'ils aient les triomphes sur les musulmans, et le fait de commercer avec eux ou d'avoir des rapports commerciaux ou autres avec. Ça, même notre religion ne l'interdit pas. Quelqu'un a ses parents qui sont mécréants. D'accord ? Ben, il leur obéit dans l'obéissance à Allah. Hein ? Et il est normal que son amour qu'il a pour eux, c'est un amour naturel. Parce que ce sont ses parents. D'accord ? Il leur obéit, il les aide dans l'obéissance à Allah. C'est-à-dire, tant que ses parents ne lui demandent pas d'associer Allah, subhanahu wa ta'ala, et tant qu'ils ne lui demandent pas de leur faire des choses qui sont haram, qui ne sont pas légiférées par leur religion, il leur fait, il l'accomplit. Hein? Ton père mécréant te demande, ou ta mère mécréante te demande de l'amener à l'hôpital. Il faut que tu l'amènes. Hein? Il te demande de lui acheter des trucs qui sont halal. Tu le fais sans problème. Mais s'il te demande la bibine, la cigarette, ou d'aller lui couper son tiercé ou quoi que ce soit, là, ça s'arrête là. Non, père, je ne pourrais pas te le faire. Là, c'est interdit pour moi dans ma religion. Je ne peux pas te le faire. Ce que tu veux, en dehors de ça. Mais ça, non. Hein? Parce que ceux qui ont la foi dans leur cœur, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala leur a mis la foi dans le cœur, hein? Ils ne s'allient pas avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en même temps, quand ils ont des parents, ils sont d'un bon comportement avec, au niveau des actes. Ce qu'il y a dans le cœur, il est réservé pour Allah, pour son messager, et pour les croyants, et pour les monothéistes. Au niveau des actes, ils nous ont demandé d'être d'un bon comportement avec nos parents. Ou là, comme vous maintenant, que vous vivez dans une société de mécréance, est-ce que maintenant, parce qu'il est mécréant, tu dois faire du tapage nocturne toute la nuit, et le déranger? Ou là, parce que ton jardin est nettoyé à son jardin, chaque fois que tu égorges ton poulet, tu dois le rejeter toute cette saleté? Hein? Est-ce que ça fait partie du comportement et du droit du voisinage, et du comportement du musulman, et du droit du voisinage demandé par l'islam? Hein? Ou là que tes enfants, ils jouent dans le jardin, ils lui jettent les capsules de coca, ils lui jettent, hein? Tout ce qui est saleté, ils vont lui jeter dans le jardin. Ou là, ils lui jettent des pierres sur la fenêtre, ou là, ils lui cassent les vitres. Est-ce que ça, c'est digne d'un comportement du musulman? Il est évident que ça, non, à l'islam. Hein? Sa mécréance, tu le détestes pour sa mécréance, mais tu détestes sa mécréance, mais ton comportement doit être digne d'un musulman vis-à-vis de lui. Parce qu'il a le droit du voisinage. Hein? Donc, pas comme les ministres du tekfir d'Europe qui disent, ah, tu es en Europe, tu casses, tu saccages, tu voles, tu fais tout ce que tu veux. Hein? Tu peux faire un brinx, un comment on appelle le hold-up là? Un quoi? Un braquage, et tu peux braquer les brinx qui transportent les fonds, etc. Ils disent même, je l'ai entendu de mes propres oreilles dans un sol. Ils disent même, moi je ne te demande pas de voler un gâteau à Carrefour ou à Lidl, mais je te demande de faire un hold-up d'un grand, hein, pour alimenter le djihad, prétendu djihad, soi-disant. Hein, donc ça, est-ce que ça, c'est digne d'un musulman? Hein? La khalis, là. Si tu es ici, hein, c'est que il y a des trucs que tu dois respecter. Hein? Il faut savoir que tu sois marocain, algérien, tunisien ou autre, etc. Et même si tu es né ici de parents algériens ou deux, c'est que tes parents qui sont venus avec des conventions entre ces états. Hein? Et si tu es arrivé plus tard, toi tout seul, etc., tu es arrivé avec des conventions aussi. Et si on sait que tu vas faire le mal, tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas. Tu restes dehors. Hein? Donc étant là, ça ne veut pas dire que tu es dans un lieu de mécréance, tu fais ce que tu veux. Là, tu te fais que du mal à toi et tu fais du mal à l'islam. Il faut être doué de raison, frère en Allah, Azza wa Jal. Entre le fait de désavouer la mécréance et les mécréants, et faire n'importe quoi, et faire le mal sur terre, il y a une grande différence. Entre le fait de mettre en application la règle du désavou et de l'alliance, hein, qui est une règle, une énorme règle, une importante règle dans nos croyances, et le fait de faire du mal, hein, sur terre, il y a une énorme différence. Il ne faut pas se faire avoir par les paroles du ministre d'Yel Tkfir. Hein, n'est pas se faire avoir par les ambiguïtés de certains. Hein. Fa, l'bara'atu min al-shirk, ou min ahli al-shirk, ou min al-kufr, ou min al-kufr, la'ni al-zulm, wa ta'addi alayhim. فالمحبة القلبية تجعلها لأولياء الله لله ولرسوله ولأولياء الله عز وجل. Donc, le fait de désavouer la mécréance et les mécréants, etc., cela ne veut pas dire d'être injuste, ni de dépasser ses limites, hein, ni d'être haggar, comme vous dites dans votre jargon, dans les rues, hein, de l'haggar, t'as pas le droit, parce que si t'es l'haggar, Allah, il va t'haggar, t'inquiète pas, il va t'envoyer quelqu'un qui va t'haggar, qui va être injuste avec toi. Les craintes. Hein? Mais on désavoue, et notre cœur, et l'amour dans notre cœur doit être, notre amour doit être donné à qui? À Allah, à son messager, et aux monothéistes, et à ceux qui aiment Allah, et qui aiment Rasulullah, et doit être donné et orienté vers tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aime. Hein? Et chaque fois qu'on n'est pas dans notre esprit ou là dans notre cœur que le mécréant doit avoir le pouvoir et la force sur le musulman, il doit être plus fort que le musulman. Et en plus de ça, ce sujet, frère en Allah, Azzawajal, est un sujet très délicat et très sensible. Et surtout pour vous qui vivez dans des pays comme ça. Vous ne devez pas le prendre 10 minutes sur Internet, sur le site d'Yel Tkfirin, quoi que ce soit. L'Alliance, il disait, veut, pour vous qui vivez en Europe et dans les pays de mécréance, pour son apprentissage et pour bien la maîtriser, il faut que vous vous orientez vers les hommes de science dignes du nom. Hein? Enfin, ces minutes d'Yel Tkfir en Europe vont vous induire en erreur. Ils vont vous faire n'importe quoi. Et tu les entends parler, le coffre de Tarot, le coffre de Tarot, le coffre de Tarot. C'est beau. Ça fait, le fait de me croire en Tarot, en tout ce qui s'adore en dehors de Allah, subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de notre religion. Hein? Ça fait partie de notre religion. On ne néglige pas. Mais comment faut-il le comprendre? Est-ce qu'il faut le comprendre comme le Khawarij ou le comprendre comme hein, les compagnons de Mohammed alayhi salam et ceux qui les suivent à la perfection? Hein? Il est évident que celui qui est doué de raison doit s'orienter vers la voie du suppliceur d'Allah alayhi, hein, qui est la voie des hommes de science. Enfin, l'alliance, il dit à vous, c'est que la personne dit à vous ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à vous et ce que son messager a dit à vous. Hein, et il s'allie avec ceux qui ont l'alliance d'Allah et l'alliance de son messager alayhi salatu wassalam. Et à tel point, ces minus d'Yel Tkfir, maintenant tu leur entends des paroles bizarres. Tu ne comprends plus où est-ce qu'ils vont. Ils n'arrêtent pas de changer d'opinion. Même, il y a deux ou trois jours, j'entends sur un de leurs sites, par l'un de leurs grands à Paris, que le fait de faire le hijra d'un pays de mécréance et d'aller vers un pays de l'islam, ceci, il y a une divergence entre les hommes de science. Il y a une divergence entre les salafs. On voudrait bien savoir où est-ce qu'ils ont tiré cette divergence qu'il y a entre salafs. Alors que la parole du prophète, alayhi salam, il est clair là-dessus. Seulement, il te revient, regarde maintenant, il va te ramener une preuve, mais seulement la preuve, il n'est pas mise à sa place. Et la preuve ne tient pas debout. Parce que les gens de l'innovation, que ce soit le Khawarij ou autre, etc., ils prennent les textes et les orientent comme eux, ils veulent. Il te prend la situation du prophète, alayhi salam, à la Mecque, avant l'hijra vers Médine. Il te dit, le prophète était faible. Et donc nous aussi on est faible. Comme si, et dans sa parole, ça fait comprendre comme quoi il n'y a pas de pays musulman. Parce qu'à l'époque de Mohammed alayhi, quand il était à la Mecque, il n'existait pas de pays de l'islam. Voici ce qu'il est. La première part dans son insinuation, c'est qu'il est en train d'éjecter dans l'esprit de ceux qui l'écoutent, comme quoi il n'y a pas de pays de l'islam, qu'on est à la même situation que Mohammed alayhi salam à la Mecque, où il était, il n'a pas encore eu d'État, il n'a pas encore établi les piliers de l'État musulman à Médine. Et donc celui qui prend ça, ben évident, autour de lui, il dit il n'y a pas de pays de l'islam. Et c'est autour de quoi? C'est vers ça qu'ils veulent l'emmener. Ben, il l'emmène avec une insinuation. Donc, il lui dit, bon, il n'y a pas Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à cette époque à la Mecque, qu'il était faible. Donc, nous devons faire comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam à l'époque de faiblesse. Donc, on reste au milieu d'Yal Kuffar et on ne fait rien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à la Mecque. Et autour de la Kaaba, il y a vu plus de 360 idoles. Et il n'a pas dit aux compagnons de faire l'hijra. Seulement, il oublie le pauvre. Qu'il a oublié un aspect de la sunna du prophète, c'est qu'à un moment donné, Rasoul, quand les musulmans étaient maltraités, il leur a ordonné d'aller vers l'Abyssinie. Et c'est là, ça n'est pas passé à son esprit. Et quand même, en ramenant des preuves qui ne tiennent pas debout, des voix, ils ont la réplique dans ces preuves-là. Il y a eu deux fois l'immigration vers l'Abyssinie. Hein? Et donc, tout ceci pour te dire qu'il faut faire très attention de qui tu entends. Parce que tu vas aller à perpète. Des fois, tu vas dire n'importe quoi sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Comment? Pour lui, et pourquoi tout ça? Parce que ce sont des gens qui sont éduqués sur les livres d'El-Sayyid Qutb et autres. Pour eux, il n'y a pas de pays en islam. et que ces pays soi-disant musulmans, ce sont des pays qui ont apostasie, donc il vaut mieux être dans un pays de l'islam, origine de la mécréance à l'origine, que d'être dans un pays qui est l'apostasie. Regardez jusqu'où ça va. Et ceci est très dangereux. Et partant de là, ils sont là, yak, ils autorisent le cambriolage, le braquer, etc. Hein? Ils ne vont pas prier avec les musulmans, parce que pour eux, ce ne sont pas des musulmans. Et ainsi de suite. Parmi tant de calamités qui ramènent. Hein? Et ceci, il faut faire très attention. Pas croire, ce sont des belles paroles. Il a ramené un aspect de la biographie du prophète. Oui, il a ramené un aspect de la biographie. Mais est-ce qu'il la met à sa place? Ça ne suffit pas de connaître une preuve. Il faut la mettre à sa place. Il faut l'utiliser comme il se doit. Et la comprendre comme l'ont compris les hommes de science. Ils n'ont pas comme moi je veux, ni comme tel il veut, etc. Faire très attention à ça, frère en Allah. Et les sujets comme l'alliance, il disait, veut, faites très attention à ça. Il faut que vous l'appreniez. Hein? Demandez à Cheikh Chalabi ou autre, hein? Qui, comme Cheikh Abdel Malik Ramadan, etc., de l'expliquer en français comme il se doit. Parce que c'est des gens qui ont une connaissance de votre situation ici en Europe. Pas croire qu'ils n'ont pas de connaissance de votre situation en Europe. Ils l'ont. Donc, le sujet, ils vont vous orienter comme il se doit. Non pas comme font les Khawarij à travers le monde. Hein? Enfin, le fait de désavouer la mécréance et les mécréants, est-ce que ça doit nous pousser à cambrioler, etc. ou à brûler les biens d'autrui? Situation est non. Hein? Mais regarde, mais dans cette situation-là, il ne faut pas être entre deux extrêmes. Regarde maintenant la situation, on est entre deux groupes. Les laxistes et les extrémistes dans cette situation. Les extrémistes, on a vu leur cas. Donc tu es au pays de mécréance, tu peux cambrioler, tu peux saccager, tu peux tout faire. De l'autre côté, on est en train, on est en autre groupe. Oui, hein, il faut chercher l'alliance avec les gens du livre, avec les gens, avec les juifs, avec les chrétiens. Il faut créer un dialogue, il faut s'asseoir, le curé au milieu, ou l'imam au milieu, à sa droite le curé, à sa droite, à sa gauche, le rabbin, et ainsi de suite. Il ne faut pas tomber dans ça. Et vous voyez autour de vous, d'une part, les kfiris, d'autre part, les ikhwan, et tous ceux qui s'occupent de l'islam politique, hadou, ils t'appellent à ne pas mettre en application la règle de tes croyances, qui est l'alliance et les désaveux, les autres, ils t'emmènent à l'extrême. Et les deux sont dans l'erreur. Ils ont des têtes, dans tout ça, ils ont des têtes. C'est les deux côtés. Le Qardaoui est à la tête de ceux qui appellent depuis longtemps et qui combat pour le fait, l'unité des religions. Et à leur tête, les autres, la même chose, ils ont des Maqdisi, ils ont des Abu Qatada, dit Abu Hamza, et ils s'en passent. La liste est longue. Hein. La même chose c'est l'autre côté. C'est la tête, c'est le Qardaoui, t'en as beaucoup. Ali Tariq Ramadan, Ali Hassan Kustan, Omar Sfar, et la liste est longue. Et je ne sais pas ceux, ça, ce sont ceux du Nord. Je ne sais pas ceux que vous avez ici en Bretagne, qui c'est encore. Hein? Et c'est énorme. Il faut faire très attention. Et la voie du juste milieu, c'est celle qui n'est pas penchée vers le laxisme de ceux-là, ni penchée vers l'extrémisme des autres. Hein? Donc ce sujet est très important et il faut bien le maîtriser, frère en Allah, Zawajal, sinon on va faire n'importe quoi. هذا الحب الذي هو من أنواع العبادة أن يكون لله عز وجل. فلا بد أن يكون حبنا لله سبحانه وتعالى وأن نكون أن نحب لله ونحب ما يحب الله وما يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, faites d'aimer l'amour qui fait partie de notre religion, frère en Allah Azza wa Jal, doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un acte d'adoration qui doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'empêche pas qu'on peut aimer son père mécréant, qu'on peut aimer sa femme, etc., etc., du moment que ça, on ne dépasse pas nos limites avec ça. Et ta situation n'arrête pas, ton étonnement ne s'arrête pas des fois, tu entends certains, tu crois qu'ils sont dans la droiture, dans la religion, etc. Et comme l'histoire que j'ai entendue il y a deux jours, Hein? Et la personne, ça fait longtemps qu'il a coupé les liens avec la famille. Pourtant, c'est un frère qui se dit salafi, qui se dit chercher la sunna, etc. Et ça fait longtemps, depuis je crois le mois de mars dernier, qu'il est en coupure avec sa famille, avec les liens, il a coupé. Et les frères ont essayé de le raisonner pour retourner, pour aller voir ses parents, ça n'a rien à faire. Hein? Regardez jusqu'où, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que, parce que certains, parce que les parents sont des ignorants, parce que les parents, ceci ou cela, ils les rendent mécréants, parce qu'ils ont la télé à la maison, ou la autre pour autre chose. Parce que certains arrivaient à un stade, les parents sont mécréants parce qu'ils ne veulent pas sortir la télé de la maison. Subhanallah. Tes parents sont dans une désobéissance. Certes, ils entendent. Il y a des images mauvaises qui passent devant leurs yeux, de la musique qui passe. Certes, ils sont dans un péché capital. Mais ils ne sont pas devenus mécréants pour ça. Donc, va savoir s'il lui est passé par l'esprit. Hein? Si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être d'un bon comportement avec les parents qui sont mécréants, qu'est-ce qu'il en est avec nos parents qui sont musulmans, même si, et qui sont dans l'ignorance? Parce que dans la majorité des cas, ils sont dans l'ignorance. Et quand on leur explique, on leur amène avec un langage adéquat qui convient à leur esprit, ils disent, subhanallah, j'étais dans la perte, hein, ou dans la déviation depuis tout ce temps-là. Hein? Donc, subhanallah, il ne faut pas tomber d'une extrême à une autre. Notre religion et la voie de nos plusieurs dans, veut être qu'on soit dans un juste milieu, dans tout. Hein? Dans tout. Et chaque fois qu'on sent qu'on va pécher, qu'on va baisser, c'est-à-dire devenir laxiste, il faut remonter là-bas. Et chaque fois qu'on sent qu'on va aller vers l'extrême, vers l'autre extrême, ben, il faut revenir. Et se rappeler la voie du plusieurs d'Allah Alim. Hein? Kadalika. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Et notre prophète عليه الصلاة والسلام nous a enseigné aussi que quelqu'un parmi nous n'aura pas la foi complète. Il est croyant, frère en Allah. Il est croyant. Mais il a dit il n'aura pas la foi complète jusqu'à ce que son amour soit les choses qu'il aime dans ce bas monde soit Allah et le prophète عليه الصلاة والسلام soit ce qu'il aime le plus dans ce monde. Son amour pour Allah et pour ses messagers doit être au-dessus de tout. Parce que certains, sur ce hadith, ils rendent les gens mécréants. L'akh al-islam. Ici, ce qui est nié de ces gens, c'est la foi complète. Mais la foi obligatoire, ils l'ont. La foi obligatoire, hein, ils l'ont. Mais ce qui est nié ici, c'est la foi parfaite et complète. Ils l'auront une fois qu'ils auront, hein, que leur amour pour Allah et pour son messager soit la chose la plus haute pour eux et la plus importante pour eux, et que l'amour d'Allah et de son messager soit au-dessus de tout. Qal Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Qala Umar ya Rasulallah, innaka la habbu, wallahi innaka la habbu ilayhi min kulli shay'in illa min nafsi. Hada kalam sarih. من كلام الفاروق رضي الله عنه وارضاه. فقال له رسول الله يا عمر لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر رضي الله عنه وارضاه فأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر أي الآن اكتمل إيمانك وتم توحيدك. هو كان مؤمن لم يخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، ولكن ليكون الإيمان كاملا الكمال التام أن يكون حب الله وحب رسوله فوق كل شيء. Donc bien Allah عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم a dit certains parmi vous n'auront la foi complète que quand Allah, l'amour d'Allah et l'amour de son messager soit au-dessus de tout, soit ce qu'il aime de plus dans ce monde, soit leur amour pour Allah et pour son messager soit plus que l'amour qu'ils ont, au-dessus de l'amour qu'ils ont pour leurs parents et pour tous les gens. Omar, il lui a dit, « Ya Rasulallah, par Allah, je t'aime plus que toute chose sauf moi. » C'est-à-dire, moi je m'aime, j'ai un amour pour moi-même. Mais, et mon amour pour moi-même, il est au-dessus de ton amour. Mais tout ce qu'il y a dans ce monde, je ne l'aime pas plus que toi, sauf moi. Et c'est une parole qui est claire de la part du Farouk, radiyallahu anhu wa arda. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, non Omar, jusqu'à ce que je sois ce que tu aimes plus que toi-même. Jusqu'à ce que je sois ce que tu aimes plus que toi-même. Et il lui a dit, et Omar ibn al-Khattab, quand il a compris, il lui a dit, ya Rasulallah, maintenant, je t'aime plus que moi-même, plus que toute autre chose qui existe. Et Rasulallah lui a dit, maintenant, ya Omar. C'est-à-dire, maintenant, tu as complété ta foi. Et que ta foi est complète maintenant. Il est croyant, radiyallahu anhu wa arda. Il fait partie des emblèmes de la voie que nous devons suivre. Il est un des grands défenseurs du monothéisme. Et regardez ce qu'il lui a dit Rasulallah alayhi wa sallam. Parce qu'il a mis son amour propre au-dessus de l'amour du prophète alayhi wa sallam. Et regardez à quel moment Rasulallah lui a dit, maintenant ya Omar. Quand il a déclaré que l'amour du prophète alayhi wa sallam, il aime le prophète alayhi wa sallam plus que lui-même et plus que toute autre chose. فهذه هي حقيقة ديننا ولكن الناس ميعت الأمور وخلطت الحق بالباطل ولبسوا على الناس دينهم وأمورهم فجعلوا قضية التوحيد قضية مائحة. Ça c'est la situation de notre religion. Mais les gens ont mélangé le vrai avec le faux. Ils ont ramené, ils ont déguisé le faux avec le vrai. Ils ont ramené plein d'ambiguïté dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout sur un sujet le plus important de cette religion qui est le monothéisme, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. J'a'ala ha'oula at-tawhid annaka ta'taqid أن ربنا يتصرف وأن ربنا قادر ورازق وهذه أمور كان يعرفها المشركون جيدا ولكن التوحيد أن تفرد الله بالعبادة فالمحبة من العبادة والمحبة المطلقة لا تكون إلا لله ومن أحب شيئا حب تعظيم وحب تقديس وحب مطلق مثل حبه لله سبحانه وتعالى فجعل ذلك الشيء ندا لله عز وجل. من أحب بلده حب تعظيم وحب تقديس وحبا أحبه بحب لا يجوز إلا لله فقد جعل البلد ندا لله سبحانه وتعالى. ومن أحب والده بالحب الذي لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى فجعلهما ندا لله. كذلك من حب زوجته وأولاده وماله حبا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى قد جعل تلكم الأشياء ندا لله سبحانه وتعالى. Donc ces gens-là, frères en Allah, Azza wa Jal, ils ont fait que le monothéisme, c'est que tu crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala gère, c'est le seul qui gère le monde. C'est le seul qui est capable de créer, capable de donner la subsistance, etc. Ceci est vrai. Et ce sont des choses que même les mécréants et les associateurs de Quraysh, et avant Quraysh, avant les associateurs de Quraysh, confirmaient et approuvaient et connaissaient. Mais le monothéisme, c'est que tu réserves ton culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mahabba, l'amour, est une forme d'adoration qui ne doit être due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour au sens large du terme. L'amour, accompagné de la vénération, etc., et l'amour au sens large du terme ne doit être dû qu'à Allah azza wa jal. Et celui qui aime son pays d'un amour qui ne doit être dû et réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris son pays, il a fait de son pays l'équivalent d'Allah. Et celui qui aime sa femme ou ses enfants d'un amour qui doit être réservé exclusivement à Allah, il a fait que sa femme et ses enfants sont les équivalents, il les a fait équivalents à Allah. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. L'amour du pays, comme il est passé avec nous, nous devons. Il n'y a pas de problème d'aimer son pays. Mais un amour législatif. C'est un amour naturel. Pas un amour où on met le pays et au-dessus de la religion. Là, il y a l'islam. On doit les aimer d'un amour naturel. Comme le cas pour nos femmes, pour nos frères, pour nos parents, pour tout. وَمَنْ أَحْبَّ رَجُلًا صَالِحًا الْحُبِّ الَّذِي لَا يَجُوزُ إِلَّا لِلَّهِ فقد جعله ندا لله سبحانه وتعالى. من أحب شجرة أو صنما أو أو أو فقد جعل هذا الشيء ندا لله سبحانه. celui qui aime un homme vertueux de l'amour qui n'est dû qu'à Allah عز وجل, amour, adoration, vénération, etc. Celui-là, il a fait que ce vertueux qu'il a aimé, d'un amour qui n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime un arbre, la même chose, d'un amour qui n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ou là une statue, ou là une vache, comme en Inde. Hein? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis à pied d'égalité avec Allah, il les a fait que ce soit au même pied d'égalité qu'Allah azza wa jalla. فمثل المحبة مثل الخشية كذلك. الخشية قال الله عز وجل يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أما المؤمنون الصادقون فإنهم يخشون الله وحده ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه خشية العبادة. Donc quand en ce qui concerne la peur et la crainte, c'est la même chose que l'amour. Il est dit dans le verset, certains, hein, craint les gens comme la crainte qu'on doit à Allah Azza wa Jal. Sinon plus, ils ont peur d'eux, plus d'Allah Azza wa Jal. Mais les croyants véridiques n'ont peur dans le sens large du terme, du mot peur, que d'Allah Azza wa Jal. Ils n'ont peur de personne. Cette peur qui est un acte d'adoration. Il la réserve à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-khawf wa al-khashiyatu al-tabi'iyyin al-jibilliyyin jubila al-insanu ala an yakhaf. Wahid yakhaf fi al-dalam. Wahid ra'a tu'ban fa khafa minh. Hada amrun tabi'i. Hada laysa fihi shay, fa huwa amrun tabi'i. Min al-rusul من خرج خائفا يترقب وهو كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. من الأنبياء من وصفه الله سبحانه وتعالى بالخوف, ومن الصديقين كذلك من وصف بالخوف, وهذا شيء طبيعي لا شيء فيه. ولكن الخوف المقصود هو خوف ثاني, ذلك ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاف أحدنا عدوا أن يقول اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره, اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم إذا كانوا جماعة. فالذي لا يقول أنه لا يخاف بطش العدو ولا يخاف انتقام الحسود ولا يخاف اللصوص والكلاب, هذا مخادع لنفسه, يضحك على نفسه. هذه أمور يخافها كل الناس, وجبلوا على ذلك الخوف لأنه طبيعي. Donc, quant à la crainte, le fait d'avoir peur, une peur naturelle, ceci, on n'est ni pour avoir peur, la peur naturelle. Quelqu'un a peur de la nuit. Quand il fait sombre, il a peur. Dans un endroit sombre, il a peur. Il a entendu un bruit, etc. Il ne sait pas ce qu'il y a. Il a peur, hein, de ce qui se cache dans ces coins ténébreux, etc. Quelqu'un a peur, il a vu un cobra, il a peur. C'est tout à fait normal. Ou là, le lion en face de lui, c'est tout à fait normal. A peur du feu qui a commencé à prendre dans le bâtiment, etc. Tout ça, c'est naturel. Hein. Et on ne peut pas dire de quelqu'un qui est tombé dans ce genre de peur qu'il a associé à Allah, a'udhu billah. Une fois, l'un d'établir dans une grande mosquée dans le nord, et il a dit, si tu te sauves du lion, c'est que tu as associé à Allah. Alors que l'un des prophètes d'Allah, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, qui est Moussa alayhi salatu salam, il est sorti de la ville en ayant peur, en faisant attention, en regardant derrière, si on ne le suit pas. Donc si on suit le raisonnement de s'établir, ça veut dire que Moussa, il a associé à Audubillah. Vous voyez, on peut des fois, les paroles jusqu'où on veut faire amuser la galerie ou la parler parce qu'on est à court de mots et d'expressions, ben on débite n'importe quoi. Mais en réalité, quand on analyse sur n'importe quoi qu'on a débité, ça ramène, c'est une parole énorme. C'est une parole énorme. Quand on sait qu'un des prophètes d'Allah, Azzawajal, il est sorti de la ville d'Allah, il est sorti de la ville en ayant peur. Nous faisons attention, en regardant droite, à gauche et derrière lui, est-ce qu'on ne le suit pas? Allez, salatu salam. Il est dit véridiques qui ont été décrits comme ayant peur. Mais la peur naturelle, et tout à fait, c'est tout à fait normal. Mais la peur, la crainte dont il s'agit ici, c'est dans notre genre. Celle qu'on doit avoir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, en concernant la peur naturelle, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. On a un ennemi en face. Ou là, on a un groupe d'ennemis. Je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Nous cherchons refuge auprès de toi, que tu arrêtes leur mal. Et que tu stoppes leur mal. C'est-à-dire dans leur mort. Hein? Et préserve-nous de leur mal. C'est tout à fait naturel. Si tu vois une bande d'ennemis, etc., des gens de quels tu as peur, etc., que tu fasses ce dua pour qu'Allah te protège. C'est tout à fait normal. Il n'y a aucun associationnisme là-dedans. Et celui qui dit qu'il n'a pas peur des ennemis d'Allah, et qu'il n'a pas peur des gens, il n'a pas peur de gens, hein, etc., et qu'il n'a pas peur que quelqu'un qui est jaloux de lui se venge, qu'il n'a pas peur des brigands, des voleurs, des pilleurs, etc., ben, il se trahit lui-même, tout simplement. Il est en train de se mentir à lui-même. Hein? Tout le monde a peur de ça. A peur du feu, a peur des ennemis, a peur des voleurs, a peur de ceci et de cela. Hein? C'est une peur qui est tout à fait naturelle. ولكن الخائف الخوف والخشيه المطلقه لمن تكون هذه لا تكون الا لله سبحانه وتعالى فالمؤمن يخشى الله وحده هذه خشيه العباده من سيقطع عنك الرزق لاسيستونت سوسيال ولا الله رزقك من الله فانت لا تخشى احد خشيه العباده يجب ان تكون لله سبحانه وتعالى فالمؤمن يخشى الله ويحب الله وحده الحب المطلق والخشية المطلقة فيحب الله ويخشى الله في أن واحد donc mais la peur dont il s'agit ici c'est la peur au sens large du terme celle-là n'éduque à Allah subhanahu wa ta'ala la peur adoration celle-là il n'éduque à Allah subhanahu wa ta'ala donc le croyant craint Allah azza wa jal comme il se doit il ne craint personne pour sa subsistance. Est-ce que c'est l'assistance sociale qui te donne ta subsistance ou c'est Allah? Hada, la kaf et le reste, ce n'est qu'un moyen par lequel transite ta subsistance. Mais la subsistance réellement, elle te vient de qui? Donc, hein, qui n'a pas à avoir ni de l'organisme, avoir peur ni de l'organisme de la kaf, ni de ceci, etc. pour ta subsistance. C'est là la peur pour sa subsistance. La subsistance ne la donne qu'Allah. Et tu n'as pas à avoir peur pour ta subsistance. Mais c'est aussi de te rendre malade, etc. Ce n'est pas un djinn qui va te rendre malade. Ta maladie, tu vas tomber dedans. C'est Allah, il l'a décrété pour toi. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, a décrété qu'un djinn te touche, il te touchera. Mais s'il ne l'a pas décrété, il ne te touchera pas du tout. Hein? Donc le croyant ne craint qu'Allah. La crainte au sens large du terme. Et n'aime qu'Allah. L'amour, vénération et adoration au sens large du terme. Donc, le croyant aime Allah et craint Allah en même temps. Et al-mu'min yad'u rabbahu khawfan wa tama'an. Et aussi le croyant demande à Allah subhanahu wa ta'ala en ayant peur, en ayant espoir en Allah. Il a peur du châtiment d'Allah. Il espère dans la clémence d'Allah. Et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant peur, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de lui. En ayant peur du châtiment d'Allah. En espérant dans la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. En espérant de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. أما الذي نقل عن بعض المخرفين قولهم أعبدك يا رب لا حبا في نعيمك ولا خوفا من عذابك ومن نارك هذا كلام فارغ وكلام ساقط وكلام الزندقة Et quant à ce qu'on a rapporté de certains qui ont divié, qui sont allés à l'extrême dans le sophisme, ils disaient, oh Allah, on ne t'adore pas pour tes bienfaits, pour ton paradis, hein? On ne t'adore pas en espérant dans tes bienfaits, dans ton paradis, mais on t'adore par peur de ton châtiment. Donc, si tu ne l'adores pas avec espoir, et que tu n'as pas peur de son châtiment, et que tu ne l'adores pas pour son paradis, et que tu n'as pas peur de son enfer, pourquoi tu l'adores, Nta? C'est du pipeau. C'est du parole, c'est des histoires à dormir debout. Allah, il nous a créés. Et il a dit, décrété que les croyants lui demandent comment? Khawfan wa tama'an. Par peur et par espoir, les croyants demandent à Allah. Il y a des zanadiqa du soufisme et des extrémismes d'Al-Soufia. Regardez leurs paroles, où est-ce que ça les amène. فالأنبياء والرسل والملائكة يدعون ربهم خوفا وطمعا فهذا الذي يدعي أنه لا يدعو الله خوفا ولا طمعا فإنما يدعي فقط دعوة ليس عليها بينة وهذا يقول أنه يعبد الله أكثر من الأنبياء والرسل وأنه وصل إلى مرتبة لم يصلها الأنبياء والرسل إيه Les prophètes, alayhi salam, et les messagers d'Allah, azzawajal, ainsi que les anges, invoquent Allah et demandent Allah, subhanahu wa ta'ala, avec peur et espoir. Hein? Et ceux-là qui prétendent comme quoi ils font des œuvres, non pas par espoir, ni par crainte, ben ceux-là, ils prétendent que quoi? Qu'ils sont mieux que les prophètes, et les messagers, et les anges, et qu'ils sont arrivés à un degré où ne sont pas arrivés ni les prophètes, ni les anges. Est-ce que ça, c'est possible? Mais leurs paroles, c'est ce qui les insinue. C'est ce qui te fait comprendre leurs paroles. فَكَذَلِكَ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ الْخَوْفَ أَقْسَامِ وَبَعْدَ أَلْ الْعِلْمِ قَسَّمَهُ إِلَى خَمْسَةِ أَقْسَامِ خوف عبادة وهذا لله وحده لا شريك له وهو عبادة قلبية وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فإن الجنة هي المأوى ولمن خاف مقام ربه جنتان Donc aussi il faut savoir, frère Allah, Azzawajal, la crainte. Aussi les hommes de science l'ont divisé en cinq. Comme ça, tu n'es pas brouillé, on ne t'embrouille pas, on ne t'embrouille pas. Quand tu entends la crainte, oh, tu la mets. Chaque forme de crainte, tu la mets à sa place. Ces divisions qu'ont fait les hommes de science, c'est pour nous rapprocher. Il nous facilitait cette religion. Hein? Donc, la peur, ils l'ont divisée en cinq. Une peur adoration. Et celle-là n'éduque à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Unique. Il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une adoration du cœur. D'où vient la peur? Il vient de l'intérieur. Quand tu as peur de quelque chose, qui pensait en premier? La réaction, elle vient d'où? De ton cœur, tout de suite. Donc c'est un acte du cœur, et c'est une adoration du cœur, et cette adoration, cette peur au sens large du terme, doit être vouée pour Allah. Il est dit, celui qui craint Allah Azza wa Jal, il aura du paradis. Il est dit dans l'autre verset, celui qui craint son souverain, et qui interdit à son nefs les passions de suivre ses passions, celui-là, sa demeure sera le paradis. Et donc la crainte, c'est un acte d'adoration. C'est pour ça que les hommes de science ont divisé la crainte aussi en plusieurs catégories. Parmi ces catégories, la crainte, adoration. كذلك خوف وهو خوف شرك أن يخاف العبد من غير الله كالجن والميت وغيرهما كخوفه من الله عز وجل أو أشد. ربنا قال فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Donc aussi l'associationnisme, la peur associationnisme, cette peur qui va nous faire tomber dans l'associationnisme. C'est que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala craint autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le djinn ou la comme un mort entouré dans une tombe, il le craint de la crainte qui n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il craint que ce mort, s'il ne lui vaut pas le culte, il va le maudire. Ou là, il va l'estropier. Ou là, s'il égorge pas pour le djinn, le djinn, il va le massacrer. Wa alaykoum salam. Et ainsi de suite. Il y a des gens qui craignent les morts. Les Qoborés, par exemple, quand tu leur parles des tombes et de ceux qui sont dans les tombes, ils te disent quoi? Fais attention. Sidi Flan, il va t'anéantir. Sidi Flan, il va te châtier par Kada. Au Kada, il va t'arriver ceci et cela. Hein? Il va te maudire, tu recevras la malédiction. Et ils y croient, ça. Et ça, cette forme de peur, c'est une forme d'adoration qui n'est due qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le verset, n'ayez pas peur des gens, mais ayez peur d'Allah. Il dit dans le verset, ça ce n'est que Shaitan qui fait peur à ses alliés. Que s'ils se détournent de lui, qu'ils vont chercher ailleurs, ils vont recevoir. Hein? Donc cette forme de peur est une forme de peur dans laquelle il y a de l'associationnisme, qui fait tomber dans l'associationnisme. كَذَلِكَ خَوْفُ الْمَعْصِيَةِ أَنْ يَخَافُ الْعَبْدُ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ أُنَاسٍ فَيَرْتَكِبْ فَيَتْرُكْ وَاجِبًا أَوْ يَرْتَكِبْ مُحَرَّمًا خَوْفًا مِنْهُمْ وَلَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ الْإِكْرَاهِ فَهَذَا خَوْفُ الْمَعْصِيَةِ فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي. Aussi fait partie des formes de la crainte. La crainte et la peur désobéissance, qui ramène à la personne à la désobéissance. Le serviteur d'Allah, il craint des gens. À tel point qu'il délaisse une désobligation d'Allah. Hein? Ou il tombe dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, par peur de ces gens, alors qu'il n'est pas obligé, qu'ils ne l'ont pas contraint, qu'ils ne lui ont pas mis le magnum 38 sur la trompe. Et il le fait. Tout simplement parce qu'il a peur d'eux, il les a vus, il a peur d'eux. Et donc ce genre de crainte, c'est une crainte d'isobéissance. Il dit dans le verset, n'ayez pas peur des gens, mais ayez peur d'Allah. Hein? Par exemple, tu arrives sur une aire de repos. C'est l'heure d'Allah Asaf. Et toi, tu vois une bande de routiers. Où là, les gendarmes, ils t'ont peur, tu ne veux pas faire ton Asaf, ni faire ton Adan. Et tu t'éclipses. Et tu laisses cette obligation et tu vas. Seulement, toi, tu t'iras arrêter trop tard. Et pour la prochaine halte, il sera peut-être que c'est l'heure d'Yal Maghrib déjà. Aussi, par peur des gens pas être acceptés ou jetés de l'école, jetés du travail, tu as peur de remonter tes 2 cm de tes chevilles. T'as peur que le poste on ne te le donnera pas. Ou là on va te virer. Par peur aussi d'être viré, tu as commencé à connaître tes croyances, etc. Mais tes poils, t'arrives plus, t'as peur. Tu dis mon poste, je vais le perdre si je laisse pousser ma barbe, etc. Le patron, qu'est-ce qu'il va dire, ceci, etc. Tout ça, c'est une peur désobéissance, frère en Allah, Azzawajal. Hein? Donc. Un petit peu des fois, on fait des actes et Shaitan vient nous embellir des situations, il nous enduit dans des cas, on tombe dans une peur qui est désobéissance. Hein? Qui est du domaine de la désobéissance. Kadalik al-khawf tabi'i. Al-khawf tabi'i, l'insan yakhaf min al-adou, khaf min al-sabu', min al-tu'ban, kada. Hada, la shi'a fi hada khawf tabi'i. Allah subhanahu wa ta'ala akhbara kama marra akhbarana an Musa. أنه خرج خائفا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب رب إني أخاف أن يكذبون هذا خوف طبيعي لا شيء فيه aussi la quatrième forme de la peur c'est la peur naturelle hein? La personne a peur de l'ennemi a peur que quelqu'un lui fasse du mal hein? La peur de quelqu'un qui est plus fort que lui. Hein? A peur du lion, a peur du feu, etc. Tout ça, c'est naturel. Hein? C'est une peur naturelle. Et comme il est passé avec nous, Moussa, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de lui qu'il avait une peur. C'était une peur naturelle. Il dit dans le verset, il est sorti en ayant peur. Il est sorti de la ville en ayant peur et en faisant attention. Hein? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, hein? pour faire dawa à Pharaon et etc. Et il a dit, souverain, j'ai peur qu'il me prenne comme menteur. Une peur naturelle. Hein? Et donc ça, ce sont les quatre formes de la peur. Inch'Allah. Fa وجب الانتباه إخوة الإسلام على أن الحب المطلق لله وحده ولا شريك له والخشية المطلقة هي لله سبحانه وتعالى وحده والطاعة المطلقة لله وحده فطاعتك لأبيك لا تعد شركا طبعا وطاعتك لولي أمرك هل تعد شركا طبعا لا ما دامت في طاعة الله عز وجل إذن ما هو الحد؟ أمر هنا يخص الطاعة المطلقة ولذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فكرر فعل الطاعة في الجزء الأول والجزء الثاني فقط ولم يذكرها في الجزء الثالث لأن هذا يتنافى مع التوحيد فالطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تبعا ولرسوله تبعا لكونها لله عز وجل لأن الله قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله donc فهنا الله عز وجل partons de là il faut faire très attention l'amour au sens large du terme qui est un amour d'adoration n'éduque à Allah subhanahu wa ta'ala la crainte aussi au sens large du terme n'éduque qui est un acte d'adoration n'éduque à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance au sens large du terme n'éduque à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'obéir à ton père, ceci n'est pas considéré comme de l'association. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a ordonné d'obéir à ton père. Dans l'obéissance à Allah. Comme t'a ordonné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'obéir à ton gouverneur et aux hommes de science, ceci n'est pas considéré comme un acte d'associationnisme. Parce que Allah t'a ordonné. Et tu dois leur obéir dans l'obéissance à Allah. Et non pas dans la désobéissance. Mais c'est quoi la limite? Comment on peut maîtriser ce point-là? C'est simple. Tout ce qui concerne l'adoration au sens large du terme, ceci est réservé à Allah, n'éduque Allah. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager. » Et après, « à Oulul Amr ». Oulul Amr ici, ce sont les gouverneurs et les hommes de science. Et regarde avec moi, il a dit, ou vous qui avez cru, obéissez à Allah. Il a ramené le verbe à l'impératif. Et quand il s'agit du prophète, il a dit aussi, et obéissez. Il a ramené encore une deuxième fois, il a répété le verbe à l'impératif. Et obéissez au messager. Mais quand il s'agit des hommes de science et des gouverneurs, il n'a pas ramené le verbe à l'impératif. Pourquoi? Parce que l'obéissance le Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam du messager, il est dans l'obéissance à Allah. Il est dans l'obéissance à Allah. Et il est dit dans l'autre verset, hein, celui qui obéit à Rasoul, au messager, il a obéi à Allah. Et cela aussi, parce que l'obéissance aux hommes de science et aux gouverneurs doit être dans l'obéissance à Allah et non pas le contraire. Il ne doit pas être dans la désobéissance à Allah. Ceci est très important. Les hommes de science attirent l'attention sur ce verset. ومن هنا تفهم أخ الإسلام قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولم يقل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم لو كان كذلك لالتبس الأمر في هذا المقام. Là tu comprends pourquoi cette perfection qu'il y a dans la parole d'Allah عز وجل. C'est une parole qui est au summum de la perfection. Il y dit dedans obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Il n'a pas dit obéissez à Allah et aux messagers et aux hommes de science et aux gouverneurs. Sinon, si la phrase était comme ça, ben, il y aurait beaucoup d'ambiguïté dans ce sens-là. Il y aurait beaucoup d'ambiguïté. Mais la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est le summum de la perfection. وفي آية أخرى يقول عز وجل أطيعوا الله ورسوله لأنه ما ذكر إلا الله ورسوله وطاعتهما مطلقة لأن طاعة الرسول جزء لا يتجزأ من طاعة الله عز وجل. Et dans d'autres versets, tu te retrouves avec ce verbe comme ça. obéissez à Allah et au messager. Il n'a pas répété le verbe ici. Mais il a dit obéissez à Allah et au messager directement. Parce que l'obéissance à Allah et au messager, c'est une obéissance dans le sens large du terme. Et parce que c'est quelque chose que nous, ce sont comme des siamois, ils ne se séparent pas. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, il a parlé de l'islam, que l'islam est basé sur 5 piliers, il a dit, un pilier dans un pilier qui est le premier pilier de l'islam, il a fait 2 choses à la fois. Attester qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et attester que Mohammed est le serviteur et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant ce sont 2 attestations, mais ils sont dans un seul pilier. Parce que l'une ne va pas sans l'autre. Obéir à Allah ne va pas sans l'obéissance, passe par l'obéissance à Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas être dans l'obéissance à Allah sans être dans l'obéissance à Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible. Fata'atu al-rusul min ta'ati Allah. Fahiya ta'atu al-mutlaqa. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idni Allah. Man yuti'a al-rasula faqad ata'a Allah. Le fait d'obéir au messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de l'obéissance à Allah Azza wa Jal, qui est une obéissance au sens large du terme. Et il est dit dans le verset, tout messager que nous avons envoyé, nous l'avons envoyé pour qu'il s'adore avec l'ordre d'Allah. Et il est dit dans l'autre verset, celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. Ça va de pair, ils vont ensemble, inséparables. Lakin, indama dhakara Allah uli l'amr, لم يكرر الفعل لأن طاعة أولي الأمر وهم صنفان العلماء والأمراء وبعض الناس يقصرها فقط على أولي الأمر على الأمراء وهذا خطأ donc mais quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'Ouli l'Amr il n'a pas répété le verbe dans le verset il ne l'a pas répété parce que le fait d'obéir à Ouli l'Amr qui sont 2 catégories de personnes les hommes de science dignes du nom, et le gouverneur, prince, roi, président, etc. Et certaines personnes arrêtent Ouli l'Amr tout simplement dans le fait qu'ils disent avec que les gouvernants. Et ceci, ce n'est pas vrai. فَوْلَاتُ الْأُمُورِ فِي أُمَّةِ الْإِسْلَامِ سِنْفَانِ الْعُلَمَاءُ وَالْأُمَرَاءُ وَلَا بُدَّ مِنَ الرَّبْتِ بَيْنِهِمَا فَالْعُلَمَاءُ يُبَيِّنُونَ شَرْعَ اللَّهِ وَالْأُمَرَاءُ يُنَفِّذُونَهُ وصدقت في ذلك الحكمة المشهورة صنفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسد فسد الناس العلماء والأمراء وهذا ليس بحديث كما يظنه بعض الناس وإنما هي حكمة قالها بعض الصالحين وما روي في هذا فلا يصح سنده إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام ولو كان معناه صحيحا فلا يجوز أن نقول هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الكلام وهذه الحكمة موافقة للشرع فهي ليست من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام donc ولاة الأمور dans la communauté de محمد عليه الصلاة والسلام ce sont 2 catégories de personnes frères en Allah Azza wa Jal les hommes de science et ceux qui gouvernent président, roi, prince, etc. et il est obligatoire de faire la liaison entre les deux car les hommes de science éclaire et détaille la législation d'Allah. Et les princes, les rois, les présidents la mettent en application. Ils ont 2 fonctions différentes. Les hommes de science éclairent et détaillent la législation d'Allah. Et les gouverneurs, princes et autres, etc., et rois et tout, ben, la mettent en application. Et il y a une parole véridique qui est une sagesse qui est très réputée. Dans la sagesse, il est dit 2 catégories quand ils sont bien, les gens vont être bien. Les hommes de science et les princes. Ceci n'est pas un hadith, comme le croient certains. Ceci est une sagesse qui a été dite par certains hommes de science et certains vertueux. Mais il n'y a rien dans ce sens-là qui est attribué au prophète alayhi salam. À rien. Même si le sens de cette parole et de cette sagesse va de pair avec la législation, on n'a pas le droit de l'attribuer à Mohammed alayhi salam. Ce n'est qu'une sagesse. on attribue à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a dit. Même si les paroles, beaucoup de paroles, on les trouve qui ont été dites par des hommes de science et par des sages, etc., vont de pair avec la législation et avec la parole du prophète, mais on n'a pas le droit de les attribuer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et des fois, on peut se poser la question, pourquoi ces paroles vont de pair? Parce que tout simplement, l'homme de science, ou le vertueux qui l'a dit, son point de départ était la parole d'Allah et l'authentique de la sunna. C'est pour ça qu'il a émis cette parole qui va de pair avec la législation. Mais nous n'avons aucun droit de l'attribuer au prophète alayhi sallam, ni de l'attribuer à la législation. Fa ulul amr الأمراء والعلماء فمن أطاع العلماء طاعة مطلقة فهد جعلهم ندا لله أندادا لله مع أنهم يتكلمون باسم الشرع donc أولو الأمر qui sont les hommes de science et qui sont les princes, celui qui obéit aux hommes de science, une obéissance aveugle et une obéissance au sens large du terme, il a fait deux des équivalents à Allah alors qu'il parle au nom de la législation. وإذا اتضح لنا هذا فلنعلم ونفهم جيدا أن من أطاع غيرهم من مشايخ الطرق الصوفية ورؤساء الجماعات وأمراء الجماعات طاعة مطلقا طاعة لا تليق إلا بالله فإنه جعلهم أندادا لله أي أطاعهم في مخالفة شرع رب العالمين. Partant de là, il te devient clair. Il faut qu'on sache, qu'on comprenne que celui qui obéit à autre que les hommes de science, comme à le machaïr, les sectes, sophies et autres, ou là qui obéit au président et au chef des groupes qui existent, et des émirs, il leur obéit une obéissance au sens large du terme, une obéissance qui n'est du qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des équivalents à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a obéi dans la divergence de la législation. Quand il leur obéit au sens large du terme, il est en train de leur obéir dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Il est dans une obéissance qui est en divergence avec la législation de Allah subhanahu wa ta'ala. فأنت تقرأ أخا الإسلام في القرآن كلام رب العزة عن علماء بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله هؤلاء علماء بني إسرائيل اتخذهم بنو إسرائيل أربابا من دون الله وهذا دلنا على أن اليهود كان شركهم في الطاعة بالدرجة الأولى ولذلك غيروا وبدلوا وحرفوا وهم عالمين بالنصوص غيروها عن قصد وكانوا كما وصفهم رب العزة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ووصفهم رب العزة بأنهم اتخذوا أحبارهم وهم علماء اليهود أربابا من دون الله ورهبانهم ومعباد النصارى اتخذهم أربابا من دون الله ولذلك كعب الأحبار قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما كنا نعبدهم يا رسول الله قال أليس يحللون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما حرم الله قال نعم قال تلك عبادتهم أي اتباعكم لهم في مخالفة شرع الله تلك عبادتكم لهم donc وصف أن الله عز وجل toi tu lis dans le Coran hein la parole d'Allah عز وجل qui te décrit qui te parle des savants de Banu Israël qui ont pris leurs savants comme et leurs ascètes comme divinités en dehors d'Allah, comme souverains en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça se te prouve que les juifs, leur obéissance à l'origine était, leur associationnisme à l'origine, il était en premier lieu dans l'obéissance. C'est pour ça qu'ils ont changé. Et qu'ils ont falsifié. Falsifié les textes. Et ils l'ont fait en le sachant. En sachant la vérité. Et leur falsification était voulue. Et elle était faite exprès. Et ils étaient comme Allah Azza wa Jalla les a décrits dans le Coran. ils falsifient les textes et ils les changent de leur place et leur donnent d'autres significations. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits ainsi. Comme quoi ils ont pris leurs savants, c'est-à-dire leurs savants, les savants des juifs, ils les ont pris comme divinité en dehors d'Allah. Et les autres ont pris leurs ascètes, leurs adorateurs, comme divinité en dehors d'Allah, c'est-à-dire le Nasara. Ka'b al-Ahbar a dit à Rasoul, quand il a entendu ce verset, a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne les adorait pas, ya Rasoulallah. Hein? Il lui a dit à Ka'b, est-ce que quand ils vous rendent quelque chose qui était illicite, ils vous la rendent licite, et quand ils vous rendent les choses licites, illicites et le contraire, et vous prenez leur décret, il a dit, oui, on prend ce qu'ils ont décrété. Quand ils changent le licite, ils le mettent illicite. Et quand ils changent à l'illicite, ils le mettent licite. Il dit, on prend. Il a dit, ça, c'est leur adoration. Le fait de les suivre dans une voie et dans des ordres qui sont en divergence avec la loi d'Allah, qui sont le contraire de la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La même chose, il ne faut pas croire que ça, c'est spécifique à Banu Israël et aux chrétiens. Aussi la même chose, si parmi nous, certains suivent les hommes de science dans la divergence, dans quelque chose qui est en divergence avec le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, ils sont tombés dans la même erreur et dans l'énormité dans laquelle sont tombés Banu Israël. Waalaikum salam wa rahmatullah. فاليهود كانوا ينشغلون بالدرجة الأولى بالتحريف في التشريع والنصارى كانوا ينشغلون بالقضايا الرهبانية والقضايا العاطفية أكثر من انشغالهم بالتشريع. قال العلماء بمقارنة الأديان أن الإنجيل لم تشتمل على أحكام كثيرة مثل ما اشتملت عليها التوراة، فأهل الإنجيل كلفوا بجل ما في التوراة من أحكام، والغالب على الإنجيل المواعظ والرقائق، فكان انشغال النصارى بالقضايا العاطفية أكثر من انشغالهم بالقضايا التشريعية. Donc quand l'heure de la Maghrib il arrive, il y a celui qui veut faire la donne, il le dit comme ça, on arrête et après on fera la prière inshallah ici. Donc les juifs s'occupaient de quoi? Faisaient quoi? Frère Allah Azza wa Jalla. En premier lieu, les juifs déformaient et falsifiaient la législation d'Allah. Nasara, eux, ils étaient préoccupés à faire quoi? Avec l'ascétisme, les situations, le fait d'adorer, de faire beaucoup d'adoration, le mysticisme. Hein? Et ils s'occupaient beaucoup des sujets au niveau des sentiments et des textes qui radoucissent les cœurs. Il ne s'occupait pas beaucoup de la législation. Il s'occupait de ces deux côtés-là, les sentiments et le fait et les sujets qui radoucissent les cœurs. C'est pour ça que les hommes de science qui ont la spécialité, qui se sont occupés à faire la comparaison entre eux, les religions, disent que l'Injil, dans la Torah, dans l'Évangile, il n'y a pas beaucoup de lois. Les gens disent l'Injil était amené à mettre en application ce qu'il y avait, dans la majorité des cas, à mettre en application ce qu'il y avait tout simplement dans la Torah. Et ils disent que ce qui prend la plus grande place dans l'Évangile, ce sont les exhortes et les choses qui radoucissent les cœurs. C'est pour ça que la grande préoccupation des chrétiens était en ce qui concerne les sentiments et comment radoucir les cœurs, etc. Il s'occupait, préoccupé de ça plus que la législation. C'est pour ça que tu entends dans les églises maintenant, hein, l'appel à l'amour, etc. Le blues qui est directement chanté, le blues dans lequel il n'y a que des chants d'amour, tatati batata. C'est pour ça, l'origine elle est là. Hein? Walida fal yahoud shirkuhum min jihati at-tashri' wan nasara ashrakuhum min jihati at-taqdis li rijal ad-din. قدسوهم قداسة لا تليق إلا بالله عز وجل فترى أحدهم يجلس بين القديس يعترف بذنبه ظانا أنه يغفر الذنوب، هذا يسمونه بكرسي الاعتراف. فما دام جلس على كرسي الاعتراف واعترف غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. ها؟ C'est pour ça que les juifs, leur associationnisme, étaient du côté de la législation. Hein? Falsifier la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant aux chrétiens, leur association était donc la vénération des hommes de la religion. Ils les ont vénérés d'une vénération qui n'est due qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu trouves certains parmi eux qui vont se confesser. Ils vont venir au confessionnat, ils vont s'asseoir devant le curé pour reconnaître leur péché. Ils croient, le pauvre, ils croient que le fait d'être confessé et d'avoir raconté tous ses péchés hein, au curé et d'être assis sur la chaise de la confession, que ceci, tant qu'il l'a fait, bah, ses péchés vont être absous. Ce qu'il a fait avant, ce qu'il va venir après. C'est beau, hein? C'est facile, hein? Hein? Subhanallah. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والاشد من ذلك ما قاله الله بعد ذلك والمسيح ابن مريم مع اننا جميعا نعلم ان المسيح بريء من ذلك لكنهم اتخذوه الها مع الله وجعلوه ندا لله وفي الاخر جعلوه هو الاله ايه ils ont pris comme leurs savants et leurs adorateurs et leurs ascètes et leurs mystiques comme des divinités en dehors d'Allah. Mais le pire, c'est ce qui arrive après le verset. Et le Messie ibn Maryam, Isa alayhi salatu salam. Et le Messie, hein? Et tous nous savons que le Messie dit à vous ce qu'ils ont fait et qu'il est innocent de la situation et du culte qu'on lui voue. Mais ils l'ont pris comme divinité avec Allah. Ils ont fait de lui un équivalent à Allah, et dans certains cas, ils ont fait que lui, c'est Allah. وهذا الند يفهمنا أن الشركاء التي يتخذها الناس مع الله قد تكون راضية عن عبادتها وقد لا تكون راضية عنها. فربنا وصف بعض من عبدهم الناس من دونه قال وهم عن عبادتهم غافلون. هذا المعبود نفسه غافل عن عبادة الناس. Et donc c'est équivalent. Le fait comprendre que les associés, que les gens prennent, et que les associés, que les jeunes mettent à Allah subhanahu wa ta'ala, mettent au même pied d'égalité que Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être des associés qui agréent cet acte qu'on les associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça peut être aussi des associés qu'ils ont pris, que ces associés n'agréent pas ce que font les gens. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit certains qui ont été adorés parmi les gens en dehors d'Allah. Et il a dit d'eux, et ils sont insouciants de l'adoration qu'ils leur ont vouée. C'est adoré lui-même, il ne sait pas. Par exemple, ceux qui adorent les temples, là, qui adorent les pierres, etc. Là, la nuit, il ne sait pas que tu es en train de lui vouer un culte. فَالْغَافِلُ هُوَ الَّذِي لَا يَدْرِي وَلَا يَشْعُرُ Celui qui est insouciant, c'est celui qui ne sait pas ce qui se passe. فعندما يسأل عيسى عليه الصلاة والسلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ما حصل هذا مني أنا أبرأ منهم ومن شركهم هذا مفهوم الآية أنا أبرأ منهم ومن شركهم ومن كفرهم donc quand Isa lui sera posé la question le jour de la résurrection est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer toi et ta mère en dehors d'Allah et de te prendre comme divinité toi et ta mère a dit gloire à toi et à Allah je n'avais pas à leur dire quelque chose qui n'est pas vrai et qui n'est pas juste. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. C'est-à-dire qu'ils les disent à vous. Moi, je dis à vous leur associationnisme, leur mécréance et tout ce qu'ils ont fait. وهذا طبعا ليس خاصا بالأنبياء فقط كما مر معنا بل كل من عبد من دون الله يتبرأ ممن عبده يوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم سماه الله شركا وقال عز وجل وهم عن عبادتهم غافلون لا يسمعك هذا المقبور الذي تدعوه لا يسمعك ولا يدري بك ولا بماذا تصنع قال عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله naturellement cette situation n'appartient pas tout simplement pas particulière au prophète عليه الصلاة والسلام comme il est passé avec nous tout ce qui s'adore ce qui aura été adoré en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection il va désavouer ceux qui l'ont adoré Il dit dans le verset, le jour de la résurrection, ils vont m'écroire, ils ne vont pas reconnaître votre associationnisme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé quoi? Associationnisme. Yakfuruna bi shirkikum. Ils vont rejeter, ils ne vont pas reconnaître votre associationnisme. Il l'a appelé associationnisme. Il dit dans le verset, et de leur adoration, ils sont insouciants. C'est-à-dire celui qui est dans la tombe et autres que tu adores en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, ben il est insouciant de l'adoration que tu lui et du culte que tu lui ouvres. Hein? Il ne t'entend pas. Il ne sait pas ce que tu fais. Et il dit dans le verset, il n'appartient à un être humain à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le livre et la sagesse et la prophétie de dire à Allah, soyez mes serviteurs en dehors d'Allah. Adorez-moi en dehors d'Allah. فبماذا يأمر النبيون ولكن كونوا ربانيون فالمؤمن الموحد رباني فقط ليس له شعار آخر يقول رباني ووطني ويقول رباني لا وكذا لكن رباني فقط donc qu'est-ce qu'ont ordonné les prophètes عليهم الصلاة والسلام ordonné le fait de réserver le culte excusez-moi Allah subhanahu wa ta'ala et Le croyant monothéiste doit être quelqu'un qui réserve, qui est Rabbani, qui réserve le culte, excusez-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Son emblème, sa devise, c'est d'être Rabbani et de réserver le culte, excusez-moi Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas être Rabbani nationaliste. La yakhal islam. Il faut avoir un amour naturel pour ta patrie, mais ta patrie ne doit pas être au même pied d'égalité que Allah azza wa jal. وإذا كان وطنيا بزعمهم فلا بد أن يكون وطنيا تبعا للربانية إن صدق هذا التعبير وهذا الشعار شعار الوطنية فلا بد أن يكون تحت الشعار الأكبر وهو الربانية وهو أنه موحد يحيد الله سبحانه وتعالى في كل شيء ويحب الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء ici comme il le prétend être nationaliste hein il faut que ce nationalisme soit sous Le fait d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime sa patrie, il aime sa nation d'un amour naturel. Mais il ne le met pas au même pied d'égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Son amour et l'amour adoration doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala doivent passer avant sa nation. C'est pour ça quand les compagnons de Mohammed alayhi sallam, quand il est passé avec nous, la situation s'est posée pour qu'est-ce qu'ils doivent faire. Au moment de la bataille de Badr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Quraysh et Omar ibn Khattab et Abu Bakr Siddiq a combattu le Quraysh. Qu'est-ce qu'il a mis en avant? Il a mis la religion d'Allah. Il a mis ce que aime Allah. La même chose. Suhayb al-Rumi, qui était romain. Quand il y a eu la bataille avec les Romains, qu'est-ce qu'il a mis en avant? Il a mis en avant l'amour d'Allah, l'obéissance à Allah, l'amour d'Allah et l'amour du messager alayhi salam. Alors qu'il était romain. Le Perse, Salman al-Farisi, radiyallahu anhu majma'in. Quand il y a eu la bataille avec les Perses, qu'est-ce qu'il a mis en avant? Il a mis l'amour d'Allah et l'obéissance à Allah, et l'amour du prophète, alayhi sallam, et l'obéissance au prophète, alayhi sallam. Et il a combattu les Perses avec les musulmans, alors qu'il était Perse. فَالْمُوَحِّدُونَ رَبَّانِيُونَ فَقَطْ وَاحِدْ يَقُولْ رَبَّانِي وَلَا مَانِعْ وَاحِدْ فِي الْأَلْفْ يقول لكذا للوطن أو كذا يقول أهل العلم هذا شرك ولو كان بنسبة واحد في الألف الله عز وجل كما صح بذلكم الحديث أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فإن الله يبله وشركه يوم القيامة ربنا أغنى الشركاء عن الشرك Donc le monothéisme doit être quelqu'un qui réserve son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un peut dire, hein, je suis pour Allah, j'ai tout pour Allah, mais 1 sur 1000 est pour la patrie ou là pour autre chose, ou là pour la famille. Les hommes de science disent, ça c'est l'associationnisme. Mais si c'est 1 pour 1000, 1 pour 1000 pour les actes qui ne sont dus qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, qui le donne à quelqu'un d'autre, c'est de l'associationnisme. Le 1000 qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala doit être réservé complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dans le hadith authentique, n'accepte aucun acte d'associationnisme. Et il est au-dessus de tout l'associationnisme. Il n'a pas besoin d'associer. On va arrêter là, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله لكم جزاكم الله